Voici maintenant des extraits des livres 12 à 19 de l'histoire naturelle de Pline. Ces livres traitent de botanique. Le papyrus. Nous n'avons pas encore parlé des plantes des marais, ni des arbustes des cours d'eau. Cependant, nous ferons l'histoire du papyrus, attendu que la civilisation, et en tout cas le souvenir des choses, sont attachés à l'usage du papier. Auparavant, on ne l'employait pas. On écrivit d'abord sur des feuilles de palmier, puis sur le tissu de certains arbres. Ensuite, les documents publics furent écrits sur des feuilles de plomb. Et par la suite, les documents privés sur des étoffes de lin ou sur des tablettes enduites de cire. Dans la suite, on inventa le parchemin à Pergame. Enfin, ce produit dont dépend l'immortalité des hommes devint d'un usage tout à fait commun. Le papyrus, donc, naît dans les marécages de l'Égypte ou dans les eaux dormantes du Nil. On prépare le papier en divisant le papyrus à l'aide d'une aiguille en bandes très fines, mais aussi larges que possible. Tout papyrus se tisse sur une table humectée avec l'eau du Nil. Ce liquide trouble tient lieu de colle. On y étend alors les bandes verticales dans toute la longueur possible. On les rogne à chaque extrémité. Puis on pose transversalement d'autres bandes en forme de treillage. On les met sous presse. Les feuilles sont séchées au soleil et jointes entre elles, en mettant d'abord les meilleures, et ainsi de suite jusqu'aux plus mauvaises. Un rouleau, appelé aussi volume, n'a jamais plus de 20 feuilles.